La paire. Pas très envie d'entendre votre portail grincer tout l'été. Jusqu'au 3 août, La paire vous présente les portails à prix doux. Moins 20% sur tous les portails pour un été tout en douceur. Chut, écoutez. Oui, non, pardon, il n'y a plus grand-chose à entendre en fait. La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de la spiritualité initialement diffusée en octobre 2019. Aujourd'hui, quatrième épisode, le soufisme ou la danse de l'âme. Pourquoi avons-nous peur de mourir? Comment envisager la mort comme n'étant pas la fin de tout, la fin de ce qui de toute façon n'avait pas de début? Voici la discussion entre Bab Aziz et son petit-fils, ou un jeune homme qu'il a rencontré. Ils se rendent ensemble à une incroyable réunion de derviches, membres d'une confrérie soufie. Et à l'occasion de cette réunion, voici Bab Aziz qui confie à Hassan sa sérénité à l'approche de la mort. Hassan, on ne t'arrête Bouddha. Hassan, je t'attendais. Tu m'attendais, moi ? Pour que tu sois le témoin de ma mort. Pourquoi moi ? J'ai si peur de la mort. Justement. Si l'on disait à l'enfant dans l'obscurité du ventre de sa mère, il existe au dehors un monde de lumière, avec de hautes montagnes, de vastes mers, des plaines ondoyantes, avec de beaux jardins fleuris, des ruisseaux, un ciel plein d'étoiles, un soleil flamboyant. Et toi, face à tant de merveilles, tu restes enfermé dans cette obscurité. Puisque l'enfant, avant de naître, ignore ses merveilles, il n'en croirait rien. Comme nous, face à la mort, c'est pour ça qu'on a peur. Mais la mort ne peut être lumière, puisque c'est la fin de tout. Comment la mort serait la fin de ce qui n'a pas de début ? Hassan, mon fils, ne sois pas triste la nuit de mes noces. La nuit de tes noces ? Oui, mes noces avec l'éternité. Maintenant, il est temps. Laisse-moi seul. Reviens et couvre mon corps de sable. Bonjour Lélie Anvar. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Peut-être aurez-vous reconnu un extrait du film Bab Aziz, le prince qui contemplait son âme, un film de Nasser Kemir qui date de 2005. Est-ce que commencer par la mort est une bonne façon de se familiariser avec le soufisme ? Oui, tout à fait, puisque le soufisme a été dès son début un mouvement qui a tenté de mettre en valeur l'idée précisément que l'âme est immortelle et que le travail d'une vie, c'est l'entreprise de prendre soin de son âme, pour que justement, dans la mort, quand elle va retourner dans l'immortalité, ou qu'elle va continuer son chemin dans l'immortalité, eh bien, elle soit capable, en fait, d'absorber un maximum de lumière et de vérité. Donc, c'est un travail sur l'âme, on peut commencer à le définir ainsi. Oui. Un travail sur l'âme que l'on retrouve dans d'autres religions, y compris même dans l'histoire de la philosophie. En quoi est-ce que ce travail, dans le cadre du mouvement soufiste, a quelque chose de particulier ? Alors, ce qu'il a de particulier, d'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas grand-chose de particulier. Il y a beaucoup plus de points communs, vous avez raison, en particulier avec la philosophie grecque, telle que présentée par Pierre Hadot, comme de la philosophie vraiment comme un exercice spirituel, qui d'ailleurs est très très lié à la notion de la mort, de ce qui se passe après la mort. En tout cas, oui, alors la singularité peut-être du soufisme, c'est qu'il va, il sort du ventre de l'islam, et par conséquent, il va mettre en avant le rapport direct et sans intermédiaire entre l'âme et Dieu. Et l'idée, c'est quand même que l'immortalité, c'est pas juste une immortalité de l'âme, c'est un retour, en fait, de l'âme à son origine divine. Donc il y a un lien vraiment intime et direct entre l'âme et le divin, qui est lié d'ailleurs à la création de l'âme telle que la pensent les soufis. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la saveur particulière du soufisme et sa singularité. Et alors comment on va essayer de le définir ensemble, on a toute l'heure pour le faire et on verra que cet effort de tentative du soufisme va nous emmener bien loin dans toutes les nuances. Rien n'est aussi simple qu'on le croit, on l'a bien vu cette semaine autour de la spiritualité justement. D'ailleurs, le lien entre soufisme et spiritualité, est-ce qu'on peut dire que le soufisme est la dimension la plus spirituelle de l'islam ? Alors, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, pour diverses raisons. La première est purement historique, c'est qu'il y a énormément d'autres branches dites spirituelles qui sont sorties de l'islam. Évidemment, le soufisme est la plus connue, la plus répandue, la plus importante en quantité de textes produits et en grands mystiques qui se sont donc affirmés comme appartenant donc à cette mouvance. Ça, c'est la première difficulté. D'ailleurs, j'ai fait un jour une anthologie de textes qui s'appelle « Anthologie de l'islam spirituel » parce que c'est pas que le soufisme. Et il y a évidemment la moitié des textes proviennent du soufisme, mais la moitié seulement. L'anthologie s'appelle « Trésor dévoilé ». Vous l'avez fait ça avec le philosophe Makram Abbès. Hein, absolument. Du seuil. Parce que justement, la philosophie, par exemple, ce qu'on appelle la philosophie islamique, elle est profondément spirituelle. C'est aussi une des dimensions spirituelles de l'islam, si tant est qu'on appelle spirituel, voilà, ce qui relève de l'âme, en fait. Ce qui relève du soin de l'âme, de la connaissance de l'âme. Et voilà, Alors qu'en français, on distingue l'esprit de l'âme, c'est ça qui prête à confusion. Oui, en fait, c'est ça qui prête à confusion. Et c'est vrai que si on devait traduire spiritualité en persan ou en arabe, c'est le même mot, on dirait « ma'anaviyat » ou « ma'ana », le monde des significations. Donc en fait, c'est pas une question même de l'âme ou de l'esprit, c'est la quête de la vérité qui fait la spiritualité. Et je viens au deuxième écueil, c'est que les soufis vous diront qu'en réalité, il n'y a pas un islam spirituel et puis un islam autre. Il y a l'islam qui est fondamentalement et radicalement une spiritualité. Donc c'est une aberration de parler d'islam spirituel, puisque c'est une spiritualité. C'est comme si on disait un christianisme spirituel. C'est tout aussi absurde. Mais évidemment, l'histoire de l'islam politique a fait que d'un coup on a l'impression que l'islam c'est d'abord un mouvement politique et ensuite une spiritualité. L'islam c'est d'abord une spiritualité intériorisée justement, et puis dans un second temps, dans le temps historique, ça devient l'islam politique. Et c'est l'autre difficulté, c'est que de dire que le soufisme est la dimension spirituelle de l'islam, c'est comme si on disait que l'islam c'était autre chose et qu'elle avait en plus une dimension, alors que c'est le contraire. Le soufisme c'est la quintessence de ce qu'est l'islam, c'est-à-dire avant tout une spiritualité. Avant de retracer la dimension historique avec vous, Lélie Anvar, voici un effort de définition proposé par le philosophe Henri Corbin. Souf veut dire laine, soufi est un adjectif formé sur le mot soufne, tasavo, celui qui fait profession de soufisme et qui porte le vêtement distinctif des soufis. Mais j'avoue tout de même garder quelques réticences devant cette étymologie. Pour chaque mot étranger en arabe, il n'a jamais manqué d'un grammairien ingénieux pour lui trouver une étymologie sémitique. Ce qui me frappe, c'est qu'au Xe siècle, un homme comme Al-Biruni, un des plus éminents représentants de la science islamique, qui connaissait admirablement l'Inde, justement écrit dans son livre sur l'Inde expressément que le mot soufi n'est pas d'origine arabe, qu'il est un mot d'importation grecque et qu'il représente le grec sophos, que sophia, c'est la transposition, la translittération de sophia, la sagesse. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait d'ailleurs en islam et dans le soufisme du sage grec, un sage grec comme Empédocle, un sage prophète, qui n'était pas d'autre chose qu'un soufi d'avant l'islam. On a là deux options très différentes, Lélie Anvar. D'un côté, souffle la laine qui renvoie à la robe que portent notamment les derviches tourneurs, on y viendra, et auxquels sont souvent associés d'ailleurs le soufisme, ou bien Saphos, la sagesse, alors c'est une origine grecque et ça n'a plus rien à voir. Alors ça n'a plus rien à voir et ça a à voir quand même. Et j'aime beaucoup, il y a un texte d'un très grand mystique qui a écrit le premier du nom traité de soufisme systématique qui s'appelle Hojviri et qui a vécu au XIe siècle. Donc c'est un persan qui est né dans une ville qui aujourd'hui est en Afghanistan. Et donc lui il dit en réalité, alors il parle pas de Sophia parce que précisément au XIe siècle on a oublié, surtout dans les milieux soufis, que peut-être Sophia venait de... venait de Sophia. Mais il dit que ça peut être la laine, que ça peut aussi venir de Safo, qui veut dire la pureté, parce que ce sont des compagnons de la pureté. Il dit que ça peut venir aussi de Safo, qui est en fait le premier rang, le nom qu'on donnait, disons, aux compagnons les plus proches du prophète de l'islam. Et à la fin, il conclut en disant, mais en fait, c'est à la fois ça et pas ça. Parce que le soufisme, c'est tout cela à la fois. Et je dirais vraiment que, j'ai eu grand plaisir à réécouter Henri Corbin, il a raison, Henri Corbin, de dire cela. Parce que, même si soufi ne vient pas de Sophia, en réalité, il y a la Sophia profondément ancrée dans le soufisme, parce qu'il y a la pensée grecque, il y a la philosophie grecque qui est déjà là. Et les soufis ont été, pour un très grand nombre d'entre eux, ceux qui ont permis aux idées les plus spirituelles de la philosophie grecque, en particulier du platonisme et du néoplatonisme, qui a été très très très important dans l'histoire du soufisme, donc d'entrer, de s'habiller de mots qui sont sortis du Coran, et finalement de faire une jonction des deux, qui est extrêmement intéressant. C'est un des points les plus intéressants du soufisme. Alors à partir de quand, justement, si on retrace l'histoire, quand naît le soufisme ? Alors, là aussi... Si on peut le dater. Si on peut le dater. En réalité, le mot soufi commence à apparaître dans les textes à partir de la fin du 8e siècle. Mais les soufis de cette époque-là vont vous dire, en réalité, le soufisme, comme réalité, date d'avant. D'ailleurs, le même Hojviri au 11e siècle dit... Déjà au XIe siècle, il dit oui, en fait aujourd'hui, avant le soufisme était une réalité sans nom, aujourd'hui c'est un nom sans réalité. C'est vous dire déjà, il était frappé du syndrome de avant c'était mieux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à partir, disons, du IXe siècle, vraiment ce mot va devenir relativement utilisé par des gens qui au départ sont vraiment des ascètes. Des gens qui font vœu de mener une vie ascétique et de mener, je dirais, les commandements de l'islam, de leur obéir en permanence. C'est-à-dire, s'il y a 5 prières par jour dans l'islam, comme religion, eux, ils vont être en prière tout le temps, jour et nuit. Si dans l'islam, on jeûne une fois par an pendant le mois de Ramadan, eux, ils vont être en jeûne quasiment tout le temps. Donc, ils vont mener vraiment une vie extrêmement ascétique, tout cela pour se purifier intérieurement et pouvoir ainsi aller à la rencontre du divin. Et ces premiers soufis, en fait, se réclament de la tradition prophétique et disent que l'islam, devenu religion d'empire, devenu un espace dans lequel les califes s'enrichissent, ou ayant pris la direction, politique, sociale, matérialiste qu'il a pris, eh bien, il est temps que des personnes témoignent que l'islam est avant tout une spiritualité radicale qui met en avant, cette relation personnelle de l'individu âme avec le bien-aimé divin et que la vie est faite pour retourner à la source. Donc c'est d'abord un effort de dépolitisation de l'islam ? Je pense. C'est-à-dire que c'est un effort de retour à l'islam primordial qui d'après les soufis, n'était pas politique. Oui, c'est vraiment une opposition à la tournure. De leur point de vue, mauvaise tournure, que prend cette religion quand elle s'étend très très vite, donc, et qu'elle devient religion d'empire. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi parler d'une forme de geste qui consiste à tourner le dos au monde? Parce que critiquer une forme de politisation de l'islam est une chose, considérer que le monde ici-bas, finalement, ne vaut d'être vécu qu'en attendant d'aller ailleurs, c'en est une autre. Oui, il faut dire que les premiers soufis sont comme ça. Alors après, ça va prendre une autre teinte, puisque quand le soufisme, surtout quand il va... Déjà, ça commence, en particulier avec une femme au 8e siècle qui s'appelle Rabia, et qui parle de l'expérience soufie comme étant l'expérience de l'amour. Et à ce moment-là, elle commence à parler à Dieu en termes d'amant, etc. Donc, que c'est une femme quand même qui institue le vocabulaire de la spiritualité amoureuse en islam, ce qui est quand même suffisamment intéressant pour être noté. Mais disons que c'est surtout en territoire persanophone, donc quand l'islam va avancer et en avançant va aussi... Oui, parce qu'à l'origine, c'est pas en Iran. Hein. Non, à l'origine, c'est vraiment en Irak. Voilà. Ouais. Oui, c'est vraiment le foyer originel des premiers soufis, c'est vraiment l'Irak. Donc c'est Bagdad, Bassora... Mmh. Évidemment, parce que c'est là aussi que se trouve le pouvoir. Donc, c'est normal que la réaction se trouve au même endroit. Et puis, très très vite, donc, ça va arriver. Et ça va arriver en territoire iranien. Et ça va se teinter de la religion ancienne des Iraniens, qui est le zoroastrisme, de bouddhisme, quand ça va arriver en territoire, aujourd'hui, afghan, où le bouddhisme est très très présent. Je crois que, dans une autre émission, Marc Balanfin en a très bien parlé. Exactement, mardi dernier. Voilà. Et donc, et ça va se teinter de cette saveur, alors à la fois bouddhiste, hindouiste, zoroastrienne, etc., qui va changer un tout petit peu la perspective. Mais les premiers soufis, oui, considèrent ce monde comme une prison. En cela, ils sont très proches des gnostiques. Et il y a probablement une influence gnostique d'ailleurs. Et comme par hasard, la mystique en islam se dit Erfan. Et Erfan, ça veut dire la gnose. Donc ça ne se dit pas au départ soufisme, ça se dit gnose en fait. Et donc je pense qu'il y a une influence très forte parce qu'il y avait des gnostiques en territoire aujourd'hui irakien à cette époque-là, qui étaient très actifs. Et donc le premier soufisme, en effet, considère ce monde comme une prison, comme un lieu de ténèbres, etc. Et puis petit à petit, ça va voyager en Iran. Et les soufis iraniens vont lui donner une autre coloration et vont dire oui, certes, il faut lutter contre les pulsions du corps, bien sûr que le corps est une prison pour l'âme, ça c'est une évidence. Le monde est une immense caverne, enfin on va retrouver ça vraiment après dans la poésie chez Rumi, etc. Néanmoins, ce perfectionnement du soi ne peut se faire que dans le monde. Et que le monde, en même temps, est le témoignage de la beauté de Dieu. Et le lieu où l'âme est descendue pour finalement pouvoir contempler la beauté de Dieu. Et on va s'introduire dans le soufisme, cette idée que le monde est un témoignage vivant de l'être divin, et que par conséquent, ce monde est un moyen pour l'âme de remonter à travers cette échelle de la matière vers la lumière divine. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose. Qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Aujourd'hui, en compagnie de Lélie Anvar, qui est maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, auteur d'une anthologie de l'islam spirituel avec Makram Abbès, qui s'appelle Trésor dévoilé, qui va bientôt faire paraître des contes des sages persans aux éditions du Seuil dans quelques semaines. On vient d'entendre un extrait, alors non pas d'un texte soufiste, on y vient, on l'entendra un petit peu après, mais du Petit Prince, figurez-vous. Peut-être l'aurez-vous reconnu, hein, d'Antoine Saint-Exupéry, la discussion entre le renard et le Petit Prince. Le renard qui explique au Petit Prince que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est aussi proche qu'on puisse arriver du point de vue occidental d'une forme de spiritualité où l'essentiel ne serait pas visible, célébration de ce qui est invisible, au nom justement de cette abstraction ou dématérialisation qui serait tant favorisée. Est-ce que le parallèle tient? Est-ce que là on est dans une voie qui pourrait conduire vers une forme de spiritualité telle que nous essayons de la définir ce matin? Oui, sauf qu'elle est un peu simplifiée, on va dire. Évidemment. Mais c'est vrai que le Petit Prince est construit comme un conte soufi. D'ailleurs, il tombe du ciel dans son avion, le Petit Prince aussi, Petit Prince après, d'ailleurs, il va un peu comme notre Bob Aziz du début, il va repartir vers le ciel et il dit à son compagnon, non, ne viens pas avec moi, j'aurai l'air de mourir, mais je ne serai pas mort. Enfin, je ne sais pas si Saint-Exupéry a connu un peu le soufisme, mais bien sûr que ça y ressemble, mais de manière, je dirais, un peu simplifiée, parce que, évidemment, ce n'est pas si simple. Le cheminement n'est pas si simple, et s'il y a autant d'ouvrages qui ont été écrits, s'il y a autant de gens qui ont consacré une vie entière à penser ce que c'était que ce cheminement et ensuite à essayer de le transmettre, c'est que l'affaire n'est pas aussi simple. Mais c'est vrai que ça résume, on va dire, les fondamentaux du soufisme, c'est que effectivement l'âme vient du ciel, elle est perdue sur cette terre de granit et que sur cette terre, elle va pouvoir faire l'expérience de la beauté et de la vérité. Le fait que la rose soit dans le soufisme très souvent un symbole du divin évidemment joue un rôle. Donc elle va pouvoir faire l'expérience de la vérité, en fait de la beauté et du bien et de la vérité dans cet ordre-là et retourner ensuite à son origine. Mais ce que vous dites est fondamental parce que ça nous permet de comprendre que la spiritualité dans le soufisme a aussi une sorte d'armature théorique. Et c'est toute la question de savoir quel est le rôle de la connaissance, en fait, dans la pratique soufie. Alors, je vous propose que cette fois-ci, on écoute un texte qui reprend ce que vous dites, à la fois l'importance de la beauté et en même temps la quête d'une vérité qui elle-même serait cachée. C'est un texte qui met en scène la purification de soi, la controverse entre les Chinois et les Byzantins au sujet de l'art de peintre. Son auteur s'appelle Rumi. Est-ce que vous voulez nous le présenter avant qu'on écoute le texte, Lélie Anvar? Oui, Rumi, c'est... le plus grand poète mystique de langue persane. Il a vécu au XIIIe siècle et il est en fait l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la confrérie des derviches d'honneur. Voici le texte lu par Georges Clès. Nous sommes les meilleurs peintres, prétendaient les Chinois. C'est à nous que revient la perfection de l'art, clamaient les Byzantins. Et le sultan trancha, nous vous éprouverons pour voir qui l'emporte en cette prétention. Ainsi, on fit venir Chinois et Byzantins, ces derniers l'emportant en toute connaissance. Les Chinois demandèrent des centaines de couleurs, et le roi, magnanime, leur ouvrit son trésor. Chaque matin, les Chinois recevaient en partage des couleurs innombrables par la manne du roi. Mais les Byzantins disaient « Rien ne conviendra, ni forme ni couleur, il faut polir la rouille ». Ils fermèrent la porte et se mirent à polir. Comme le firmament, ils devinrent lisses et unis. De la bigarrure à la transparence, il y a un chemin. La couleur est comme un nuage et la transparence comme la lune. Toute lumière et toute splendeur que tu vois dans le nuage, sache qu'elle est le reflet des étoiles de la lune ou du soleil. Lorsque les Chinois eurent terminé leur ouvrage, de joie, ils firent battre les tambours. Le roi apparut et vit toutes leurs images. Elles faisaient perdre la tête et la raison. Puis il se rendit chez les Byzantins et ils levèrent le voile qui recouvrait leur œuvre. L'image des images et de l'œuvre grandiose vint se refléter sur les surfaces lisses. Tout ce que le roi avait vu là-bas semblait plus beau ici, ravissant le regard. Les Byzantins, mon ami, sont les soufis. Sans exercice, sans livre, sans artifice, ils ont poli le miroir de leur cœur, purifié de l'envie, la cupidité, l'avarice, la haine. Le poème d'où extrait ce texte, Lélie Anvar, s'appelle Le Matnavi. C'est un texte extraordinaire. Oui, absolument. On peut dire c'est un livre-monde, un immense poème. Si on devait le traduire en vers français, ça ferait 50 000 vers français, dans lequel Rumi va vraiment exposer toutes les vicissitudes, les hauts et les bas de la vie spirituelle. Et pour le coup, il va utiliser toutes sortes d'images, hein, du vieillard à la femme lubrique, en passant par les éléphants et les peintres et les serpents. Enfin, il y avait vraiment de tout dans ce Masnavi. Et il y a des strates de compréhension. Alors, on dit du Masnavi que c'est le Coran en persan. Donc, Masnavi, c'est juste une forme. Ça veut dire un long poème monomètre. Et on dira de ce Masnavi que c'est le Coran en persan parce que lui-même, il se prête au commentaire. Il est commenté génération après génération. Et j'envisage moi-même d'ailleurs de faire un commentaire du Masnavi pour les temps modernes, parce que je pense que c'est vraiment une œuvre qui peut permettre de comprendre, alors justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire si Saint-Exupéry fait dire au renard « on ne voit bien qu'avec le cœur », ça peut sembler un petit peu gnangnan presque de le dire comme ça, alors que Rumi en fait dit la même chose, mais de manière effectivement avec une armature qui est à la fois une armature éthique, philosophique et mystique. C'est-à-dire, il dit, voilà, il faut polir le miroir du cœur. Ce qui est très différent de... Bien sûr, on ne voit bien qu'avec le cœur, certes, mais comment faire? Il ne suffit pas de le savoir pour voir les choses. Donc, quand il dit polir le miroir du cœur, ça veut dire enlever la rouille qui est créée, il le dit très bien, par la haine, la rancune, la jalousie, enfin, tout ce qui est, finalement, du domaine de l'éthique. Et c'est là où on voit que le soufisme, quand il est entre les mains des très grands maîtres, c'est pas juste un truc qui nous fait du bien, voilà, c'est des jolis poèmes et ça nous rassure sur la mort. Pas du tout. C'est vraiment une entreprise totale dans laquelle tout l'être est engagé et qui commence par un travail éthique. Et en ce sens, on peut dire que il relève, ce soufisme-là, en fait, relève de la philosophie. Sauf qu'il inclut en son sein la philosophie et il va peut-être au-delà de ce que nous avons coutume d'appeler philosophie en Occident. Mais c'est vraiment un amour absolu de la sagesse, parce qu'on pense que la sagesse, c'est la condition pour se transformer. Mais alors, comment justement concilier d'un côté l'amour de la sagesse qui implique une forme d'écart, de distance pris avec le corps qui est quand même le lieu justement des défauts, de l'envie, de la cupidité, de la haine, etc. Et de l'autre, l'importance accordée à la beauté. Eh bien, il me semble que c'est... On a des éléments de réponse, y compris dans la pensée grecque, c'est-à-dire que le corps, c'est les deux à la fois. C'est à la fois le lieu par lequel transite le mal, et c'est aussi le lieu dans lequel on peut contempler la beauté du Créateur. On va peut-être même pas l'appeler Dieu. Finalement, je me demande s'il ne faut pas l'appeler l'un, ce serait plus simple. Donc plutôt Plotin. Ça réconcilierait tout le monde. Oui, surtout que Plotin est omniprésent dans cette pensée. Donc je crois vraiment que ce qui fait la beauté du monde, c'est précisément que la lumière s'appuie sur les ténèbres. Et que cette chose de ténèbres, le soufi doit s'y confronter. C'est une chose absolument essentielle, parce que s'il ne s'y confronte pas, en fait, les ténèbres, ou le mal, ou la laideur, etc., c'est de l'absence d'être. Et parce qu'il n'y a qu'un seul être, c'est vraiment l'idée de l'unité de l'existence, c'est qu'il n'y a qu'un seul être, c'est l'être de l'un. Il n'y a que de l'un, en réalité. Et tout ce qui est méconnaissance du fait qu'il n'y a que de l'un, c'est ça qu'on appelle ténèbres. Donc le mal, c'est du non-être, d'une certaine façon. Mais n'empêche que ça se manifeste, donc il faut quand même faire quelque chose contre. Il faut y travailler. C'est quand même un travail, le soufisme. C'est un travail difficile, exigeant, et qui est le travail, le fruit de toute une vie. Mais c'est aussi un travail intellectuel, si je vous suis bien. C'est-à-dire que savoir que seul l'un compte et que ce qui semble lui échapper, quelque chose qui appartient au non-être, implique une certaine étude. Quel est le rapport quel rôle joue la connaissance dans la pratique du soufisme? Alors là, c'est pareil. Par exemple, la mystique, comme je l'ai dit, c'est intéressant parce qu'en français, la mystique comprend le mot mystère, alors qu'en arabe et en persan, c'est exactement le contraire. On appelle Erfan. Erfan, ça veut dire la connaissance. Et le mystique, c'est un aref, c'est un connaissant. Alors, là, il y a peut-être, on peut dire qu'il y a deux façons de faire parmi les soufis. Il y a ceux qui écrivent des traités, qui essayent qui connaissent la philosophie, etc. Bon, ben, le grand Al-Razali, par exemple, qui a été un très grand philosophe. Il a commencé par être un très grand philosophe, puis il a rejeté toute la philosophie soi-disant pour devenir soufi, mais évidemment que sa façon de pratiquer le soufisme est liée à ses connaissances philosophiques et à sa structuration intellectuelle qui était philosophe. Il y a des soufis qui étaient totalement analphabètes, qui pensaient qu'il n'y avait de connaissances que intérieures et intimes et personnelles dans le rapport avec le divin. Il y a ceux qui étaient un peu entre les deux, on va dire. En tout cas, quelle que soit la manière dont on aborde la connaissance, le soufisme est évidemment une connaissance, puisqu'il se base sur plusieurs hadiths très importants, dont un. Donc hadith, ce sont les paroles du prophète rapportées par ses compagnons, ou sa femme, il ne faut pas l'oublier non plus. Mmh. Un de ces hadiths dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Et l'entreprise du soufi étant de retourner à Dieu, il faut d'abord qu'il se connaisse lui-même, parce que s'il ne se connaît pas lui-même, il ne connaît pas Dieu, et s'il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas retourner à lui. Donc c'est une entreprise de connaissance. Alors maintenant, il y a ceux qui ont, disons, des goûts plus philosophiques, ceux qui ont des goûts plus poétiques, ceux qui préfèrent rejeter tout cela et se lancer juste dans une entreprise intérieure de pure connexion, mais qui nécessite quand même un travail sur soi et de connaissance. C'est-à-dire que ceux-là aussi progressent. Alors, certains n'ont jamais rien écrit, certains ont été, leurs paroles ont été rapportées par d'autres, et puis il y a les innombrables dont on ne sait rien, parce que précisément, ils ont vraiment vécu la chose de manière tout à fait intime, et peut-être ce sont les vrais mystiques, et eux, ils ne reviennent pas pour en parler. Mais quand vous dites travail sur soi, ça implique que soi, il y a donc une pensée de l'individu, de la vie intérieure ? Il y a absolument de l'individu. Là aussi, j'ai bien suivi la conversation que vous avez eue, très très intéressante, avec Marc Berlanfa, et je pourrais presque dire la même chose que lui. Alors voilà, lui précisait que le soi, il fallait dépasser le moi en direction du soi. Absolument. Dans la philosophie indienne. C'est tout à fait pareil dans le soufisme. C'est-à-dire, il y a différentes instances qui constituent l'individu. Il y a de l'individu, absolument, qui est responsable, qui est seul responsable d'ailleurs de ses actes. L'individu vraiment est au centre de la quête soufie, même si cet individu doit absolument laisser de côté son moi, dans le sens son moi égotique, son moi qui désire sans cesse des choses nouvelles, qui est attaché, qui est aussi et particulièrement attaché à la compréhension intellectuelle et mentale qu'il a des choses. Ça, c'est un des gros problèmes de l'ego, donc du moi, pour arriver à son identité véritable, qui est précisément une identité divine. Et là, c'est le soi. Effectivement, il y a une distinction entre les deux. Et c'est intéressant parce que les différences d'instances du soi portent le même nom, à nouveau en arabe et en persan, qui est le mot nafs, qui a donné d'ailleurs, qui est de même racine que le nefesh hébreu. C'est-à-dire que c'est à la fois un souffle, en même temps, ça veut dire le soi. Mais parmi les sois que nous avons, il y en a un qui s'appelle nafs al-amara, ça veut dire le nafs al-amara, c'est-à-dire le soi qui donne l'ordre de faire le mal, je dirais, et qui précisément participe de notre méconnaissance des choses, de nos illusions, de nos certitudes, de nos attachements, etc. Et c'est ce soi-là, donc, qui est l'ego, qui est le lieu des ténèbres et de l'ignorance, qu'il faut éliminer, mais dépasser. C'est toute la question quand même. Voilà. Faut-il l'éliminer? Il y a quand même une pensée, certaines références à une forme d'annihilation de soi, le terme peut faire peur. Voici un autre texte, La conférence des papillons, que l'on trouve dans Le langage des oiseaux, de Farid Ouddin Attar. Donc là, on est entre le 12e et le 13e siècle toujours. Écoutez cette métaphore du papillon qui veut s'approcher de la flamme. S'il l'approche trop, il risque de se brûler, mais ne faut-il pas se brûler pour coïncider avec cette flamme? Une nuit, les papillons se réunirent, tourmentés du désir de s'unir à la bougie. Tous dirent « Il faut trouver quelqu'un qui puisse nous donner des nouvelles de l'objet de notre amoureuse recherche. » Un papillon alla jusqu'à un château lointain et il aperçut dans l'intérieur la lumière de la bougie. Il revint et rapporta ce qu'il avait vu. Il se mit à faire la description de la bougie selon la mesure de son intelligence. Mais le sage papillon qui présidait la réunion exprima l'opinion que le papillon explorateur ne savait rien sur la bougie. Un autre papillon alla passer auprès de la lumière et s'en approcha. Il toucha de ses ailes la flamme. La bougie fut victorieuse et il fut vaincu. Il revint, lui aussi, et il révéla quelque chose du mystère en question. Il expliqua un peu en quoi consistait l'union avec la bougie. Mais le sage papillon lui dit « Ton explication n'est pas plus exacte que celle qu'a donnée ton compagnon. » Un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il alla se jeter violemment sur la flamme de la bougie. Lancé par ses pattes de derrière, il tendit en même temps celle de devant vers la flamme. Il se perdit lui-même et s'identifia joyeusement avec elle. Il s'embrasa complètement et ses membres devinrent rouges comme le feu. Lorsque le sage papillon vit de loin que la bougie avait identifié l'insecte à elle et lui avait donné la même apparence, il dit « Le papillon a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend, et voilà tout. » Celui, en effet, qui n'a ni trace ni indice de son existence, sait réellement plus que les autres au sujet de l'anéantissement. Tant que tu n'ignoreras pas ton corps et ton âme, connaîtras-tu jamais l'objet de ton amour ? Que Comment faut-il comprendre ce texte, Lélie Anvar? Parce qu'à une première lecture, une première écoute, ce texte très beau d'ailleurs et très parlant, on se demande si le papillon qui se consume entièrement de la tête aux ailes sur la flamme de cette bougie ne serait pas un modèle à suivre. Auquel cas, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Tout à fait. Alors évidemment, d'abord, il faut le comprendre sur un plan métaphorique, évidemment. C'est un poète qui parle, c'est Attar, un des plus grands poètes mystiques, prédécesseur de Rumi. Et dans cette histoire, alors il y a plusieurs points très intéressants. La première, c'est que Attar la raconte comme quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Et pourtant, il nous la raconte. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'est jeté dans la flamme, mais qui est revenu pour nous en parler, à l'instar du philosophe qui a échappé à la caverne et qui a contemplé la lumière. Et alors, ce qui nous met mal à l'aise, c'est de penser que, évidemment, ça veut dire que c'est une invitation au kamikaze, quoi, au suicide. Pas du tout. Quand il dit, déjà à la fin du texte, ça a été traduit par Gersin de Tassy, il faut qu'il renonce à son corps et à son âme. À mon avis, cette traduction est fautive. Il faut dire à son corps et à sa vie, parce que précisément, c'est pas à l'âme qu'il renonce. Il renonce à son corps et à sa vie pour arriver à la substance substantifique moelle de son âme, qui est précisément d'être l'expire divin, donc à sa propre immortalité. Mais ce n'est absolument pas une invitation, évidemment, au suicide ici et maintenant du corps. Il s'agit, quand il dit de renoncer, de brûler cela, ça veut dire renoncer au désir du corps qui vous emprisonne dans un aveuglement. C'est vraiment ça dont il est question. Et quand il dit à ta vie, ça veut dire... À nouveau, on revient à ce qu'on avait au début, c'est assez bien choisi d'avoir pris ce passage de Bab Aziz. Ça veut dire renoncer au désir même d'immortalité dans le corps. Ça veut dire renoncer à penser que la mort, c'est quelque chose de mauvais. Donc renoncer à sa vie, ça veut dire c'est pas grave de mourir. Ne plus avoir peur de mourir. Parce que pour les soufis, alors vraiment la peur de mourir est la première chose qu'il faut éliminer. Parce que la peur de la mort est une véritable entrave à l'ouverture de l'âme. Et l'âme, c'est pas le mot qui est employé ici dans ce texte. Il faut certainement pas renoncer à l'âme. Et dans la tradition, pas que soufie d'ailleurs, dans la tradition islamique, on va dire, dans le vocabulaire arabe et persan de la philosophie et de la spiritualité musulmane, on distingue absolument l'âme qui est expire divin et qui est vraiment ce qui donne son identité à l'être humain. Et le John, ou en persan c'est John, ça veut dire l'âme anima, celle qui anime le corps, celle qui fait que le corps est vivant. Et donc quand on meurt, en fait, le corps et cette âme animante du corps disparaissent et il reste ce qu'on appelle le ruh. Et à nouveau, on trouve ce même mot en hébreu, et qui veut dire en fait le souffle. Et ça, c'est la part céleste, la part divine dans chaque être humain qui est de toute façon immortelle. Alors maintenant, ça dépend dans quel état elle sera dans l'autre monde. Ça dépend de la vie qu'on a menée ici-bas. Mais en tout cas, je voudrais aussi ajouter qu'après cet épisode des papillons, on arrive à la fin de l'histoire du Cantique des oiseaux, dans lequel finalement les oiseaux eux-mêmes sont invités à se jeter dans le feu de l'oiseau, lumière qu'ils recherchent, etc. Mais le texte nous dit de manière très... En général, les gens arrêtent l'histoire là. Mais en fait, Attar va beaucoup plus loin. Il dit, après avoir passé des milliers d'années dans cet état de néant, ils sont rétablis à leur être véritable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire, parce que ça, littéralement, il dit, de cet état post-néant, on ne peut rien dire, puisqu'il n'y a pas de mots pour le dire. Mais ça veut quand même dire que les oiseaux gardent leur individualité. Ça veut dire que cette annihilation, c'est une annihilation du mental, en fait, des illusions, des attachements, des choses comme ça. C'est pas du tout une annihilation de l'être fondamental qui est l'être, la part divine de l'être. Et qui est précisément cette âme dont on parlait au début et dont il faut prendre soin, qui est le propos, au fond, du soufisme. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Et il faut bien comprendre, ça rejoint ce qu'on disait sur polir le miroir de son corps, de son cœur, etc. Donc polir le miroir, ça veut dire enlever les scories. Ça veut pas dire détruire le miroir. Donc vraiment, le travail d'annihilation, il se voit en ces termes. D'ailleurs, dans le film Bab Aziz, c'est un très vieil homme. Il ne se suicide pas. Il sait qu'il va mourir, tout simplement. Et il a mené sa vie. Et il sait que cette vie, est fondamental pour faire ce travail. Parce que sinon, où le faire ? Et ce qui est le plus convaincant d'ailleurs, puisque vous y revenez aussi sur l'extrait, dans l'extrait du film qui a ouvert cette émission, c'est que pour enseigner au jeune homme que la peur de la mort est irrationnelle, il prend la comparaison avec la naissance. Il dit, oui. Mais comme, c'est comme si un bébé avant de naître se disait, ah non, je sais pas ce qui se passe après, ça va être terrible, et donc je préfère renoncer à tous ces jardins lumineux qui composent la vie que de naître. La mort, dit-il, c'est pareil. Mais l'image fonctionne, mais quand même pour que... je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait que la peur de la mort était l'obstacle numéro un qu'il fallait surmonter dans le soufisme. Là encore, c'est la peur de la mort et la tentative de la dépasser. On la trouve chez Épicure, on la trouve dans le stoïcisme, on la trouve dans toute l'histoire de la philosophie grecque et occidentale. Dans le soufisme, est-ce qu'il faut comprendre que la croyance, en fait, suffit à dissiper la peur ? C'est pas un argument rationnel, c'est pas une démonstration, c'est la certitude que l'âme est immortelle et donc elle continue après le corps. Mais ce de quoi nous sommes faits, l'individu que nous sommes tous, ne peut pas être entièrement ressaisi par cette croyance-là. Il y a bien des choses en nous qui nous échappent, sur lesquelles nous n'avons pas prise, et ne plus avoir peur de la mort est la chose la plus difficile au monde. Absolument. Même lorsqu'on croit en Dieu, en la vie après la mort. Absolument, surtout que tous savent que... alors, la croyance n'enlève pas la peur de la mort. Ouais. La foi l'enlève. Ce qui est très différent. Quelle différence ? La différence, c'est que la croyance, c'est qu'on vous a dit que c'était comme ça, donc vous y croyez. Mais vous y croyez sans vraiment l'avoir éprouvé. La foi, et ça, Rumi y reviendra très souvent, il a des magnifiques poèmes pour dire, mais le jour de la... Quand il dit, il y a un très très beau poème dans lequel il dit « Beruzemar, chotobut, man ravon boshat, goman mabar kemaro, dard in jahan boshat » ce qui veut dire « Au jour de ma mort, lorsque tu verras mon tombeau, mon cercueil, ne crois pas que j'ai douleur de ce monde, parce que ce jour-là, ce sera le jour de la réunion. » Donc lui, il a une foi, il ne croit pas, il a une foi absolument profonde que ce jour-là, son âme ira rejoindre. Et d'ailleurs, Babazis utilise l'image. En fait, tout le dialogue qu'on a au début est fondé sur différents passages de l'œuvre de Rumi. Un petit peu simplifié malheureusement, mais bon, c'est comme ça dans les films. Et donc, l'idée, c'est que quand on a travaillé sur soi, qu'on se connaît soi-même, on connaît la nature de son âme. Et donc, on l'a éprouvée immortelle, puisqu'elle est divine, précisément. Donc, on l'éprouve, on fait l'expérience de son immortalité parce que on a fait ce travail, qui est un long travail et qui n'est pas du tout garanti. Mais je ne comprends pas comment on peut faire l'expérience de l'immortalité. Eh bien, ça s'appelle le travail, ça s'appelle la connaissance de soi. C'est en ça que je suis pas soufie. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, et pourtant, vous pourriez l'être parce que finalement, c'est exactement le projet de, en tout cas, le trajet que propose Socrate dans le Phédon. Il dit bien, Socrate dit, mais je vais pas m'enfuir, mais je sais que je ne vais pas m'enfuir. Oui, mais Socrate utilise l'argument rationnel pour démontrer que avoir peur de la mort est en soi-même incohérent, illogique. Il explore plusieurs perspectives qui tentent de démontrer justement que l'âme va survivre après la mort pour finalement en arriver presque de manière évidente avec l'absurdité de craindre. Mais lui-même n'est pas non plus complètement serein. Il voit bien quelque chose qui lui échappe. Oui, bien sûr, mais en même temps, vous aurez remarqué qu'il a recours au mythe. C'est pareil pour les mystiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, cette question de la mort ne peut pas être rationnellement résolue. Genre maintenant, même avec les NDE et tout ça, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait une expérience d'NDE qu'ils vont vous convaincre que ça continue après. Les expériences de mort imminente, la near-death experience. Donc, y a énormément de livres qui ont été écrits, plus étonnants les uns que les autres, mais ça ne convertit personne, ça. Parce que c'est des témoignages extérieurs. Alors, je dis pas que ça, il faudrait faire le chemin avec le même chemin que Rumi et Attar pour arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que précisément ils disent, mais en fait ce n'est pas, je peux vous le dire, mais ce n'est pas partageable tant que tu ne te connais pas toi-même dans le sens où tu ne t'es pas éprouvé immortel. Se connaître soi-même, c'est s'éprouver dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire sa seule dimension, en réalité. Parce que pour un soufi, mon identité c'est mon âme. C'est ce que j'emporte après avec moi, etc. Donc, évidemment que vous et moi, là, comme ça, on peut pas entrer dans ça. Précisément parce qu'on ne peut pas le saisir. Même si on y croyait, ça ne marcherait pas. Il faut l'avoir éprouvé et donc entrer dans ce que j'appelle la foi. Le grand malheur, finalement, de la plupart des croyants, c'est qu'ils sont croyants et non pas nécessairement la foi. Et c'est pour ça qu'on peut être tout à fait croyant et avoir tout à fait peur de la mort. On peut même être très avancé sur le chemin, avoir médité, ne pas avoir eu peur pendant toute sa vie, et ça, Rumi le reconnaît, et au moment de la mort, le corps l'animal a peur. Mais c'est ça, c'est tout à fait reconnu. Ben oui, l'animal a peur. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi la rationalité, alors pour cette rationalité spirituelle qui permet de, éventuellement, de faire cette traversée sans trop de peur. Mais vous savez, c'est le propos de Bernanos dans le Dialogue des Carmélites, cette mère supérieure qui n'arrive pas à mourir. Et elle dit, j'ai médité tous les instants de ma vie, j'ai médité sur la mort et maintenant qu'elle vient, j'ai peur. Et c'est un gros problème pour les sœurs. Elles disent, mais enfin, comment ça se fait? Mais non, on ne doit pas avoir peur de la mort. Ça veut dire quoi? On ne doit pas avoir. Ça ne se commande pas, mais ça, les soufis le savent. Il y a toute une branche du soufisme qui s'appelle la psychologie soufie, qui est très fine. Ils sont tout à fait conscients de ça. Et ils disent, voilà, il faut s'abandonner, il faut s'exercer toute sa vie à s'abandonner entre les mains d'une autre puissance, voilà, qui n'est pas la nôtre. Quel rôle peuvent jouer les maîtres, les professeurs dans le soufisme? Ce que vous avez dit, c'est un face-à-face entre l'âme et Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir des intermédiaires? Est-ce qu'on peut enseigner quand même le savoir-faire, la pratique? Oui, alors il y a eu toute une époque du soufisme ancien, je dirais, qui met même l'accent, enfin c'est très important, vous ne pouviez pas dans le temps être soufi sans maître. Alors un maître donc, vivant dans ce monde, ou un maître intérieur, comme par exemple dans le cas de Attar, et puis Rumi, après avoir rencontré son maître, quand son maître a disparu, il l'a complètement intériorisé. Mais disons que pendant très longtemps, l'aspirant soufi allait voir un maître. Éventuellement, il pouvait en changer, parce que le maître pouvait lui dire « Bon, maintenant, je t'ai transmis ce que j'avais à te transmettre, maintenant, on va voir tel autre maître, qui, etc. Et » Donc, selon l'état où il était, selon ce qu'il recherchait, selon le degré où il se trouvait. Et les maîtres étaient en même temps des gens qui avaient une vision intérieure, je dirais. Plus ils étaient forts, plus ils avaient une vision de l'état spirituel de l'aspirant. Éventuellement, ils transmettaient ce qu'ils avaient à transmettre à chaque personne. C'était très, très personnalisé. Hein. Il n'y avait pas un enseignement général pour tout le monde, puisque chacun a des besoins spécifiques. Mais je pense que ce temps-là est révolu. Et d'une certaine façon, peut-être que le temps du soufisme classique, confrérique, qui a commencé à se mettre en place autour du 10e, 11e siècle, peut-être que ce temps-là est un peu révolu, en tout cas à mes yeux, parce que je n'ai pas rencontré, en tout cas, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup intéressée à la question, mais je n'ai pas rencontré de maître soufi dans le sens des maîtres soufis de l'ancien temps. Alors, il y a des personnes qui me disent qu'ils les ont rencontrés. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré. Je pense que maintenant, le soufisme ne peut être qu'une inspiration à travers, justement, ces histoires, ces textes, une méditation intérieure et personnelle. Il y a suffisamment maintenant de matériel pour que chacun puisse y puiser ce qui est nécessaire pour son cheminement personnel. Où se trouvent les soufis aujourd'hui ? Partout. Partout dans le monde musulman et non musulman, puisqu'il y a même des confréries en France, hein, qui sont très développées, très importantes. Mais je dirais que, voilà, personnellement, alors je sais que j'ai des amis soufis dans des confréries qui vont peut-être pas apprécier ce que je dis, mais personnellement, j'ai une petite méfiance par rapport à tout ce qui est confrérique, parce que le premier soufisme n'est pas confrérique. Le premier soufisme, c'est vraiment des individus qui se rencontrent. D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui sont même pas maîtres et disciples. C'est juste des maîtres, en fait, qui se rencontrent et qui se parlent et qui échangent. Et voilà, il y a quelque chose de très dynamique, de très vivant dans cela. Et dès que ça devient, après le maître, il y a un successeur, puis un deuxième successeur, un troisième successeur, ça fait la même chose que dans les religions. C'est-à-dire que ça s'institutionnalise, il y a quelqu'un qui commande, il y en a qui veut être calife à la place du calife, enfin, maître à la place du maître. Et puis voilà, ils font des schismes, il y a des règles, il y a tout ça, ça devient... C'est comme les derviches tourneurs qui maintenant tournent avec... Alors dites-nous justement, on n'a pas parlé des derviches tourneurs. Oui, c'est ça, c'est une des confréries, une des grandes confréries soufis aujourd'hui vivantes. C'est ça, avec ces grands manteaux de laine et les chapeaux sur la tête, voilà. qui dansent en fait. Exactement. Au moment de prier. Exactement, alors au début, maintenant c'est devenu une cérémonie, mais au départ c'était la danse spontané que faisait Rumi quand il écoutait de la musique, qu'il entrait en extase, qu'il se mettait à dire des poèmes, et il se mettait à tourner sur lui-même en disant « voilà tous les atomes de l'univers dansent ». Je vous signale quand même qu'on est au XIIIe siècle, mais qu'il voyait déjà que les atomes, il voyait dans son cœur l'invisible danse des atomes. Donc, et il dit « et nous, les êtres humains, nous sommes comme des atomes qui dansons autour du soleil ». Pareil, il pense pas du tout que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. On est au XIIIe siècle, il est absolument persuadé que, bien sûr, que c'est le monde qui tourne autour du soleil. Et le soleil étant le symbole de la lumière divine. Et donc, il faisait cette danse spontanée qui devait être superbe à regarder. Et simplement, quand il est mort, Après, son fils a pris la relève, il est devenu le maître de la confrérie et il a institutionnalisé la danse. Donc maintenant, il y a des étapes dans cette danse, il y a toute une symbolique qui a été mise en place. C'est très beau à voir, encore que faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que justement, on est extérieur. C'est une danse dans laquelle il faut participer. Si vous la regardez de l'extérieur, bon, je sais pas vraiment ce que ça veut dire de regarder. C'est comme lire un livre de manière complètement extérieure. Il faut quand même y participer. C'est un c'est peu pas comme... un spectacle, c'est ça que vous voilà, dites. C'est pas censé être un spectacle. Alors, il faut dire que c'est devenu un spectacle parce que Atatürk, pour moderniser la Turquie, a interdit toutes les confréries soufis, que ce soit les Mevlevi, donc les derviches, ce qu'on appelle les derviches tourneurs. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais bon, voilà. Ou les Bektachi, où il y a beaucoup d'ordres. Il y avait beaucoup d'ordres différents soufis avec des colorations différentes dans l'Empire ottoman. Et en Perse, et dans le monde arabe, au Maghreb, aujourd'hui au Maroc, il y a énormément de confréries très très vivantes. Là, je reviens du festival des cultures soufis. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que justement, il y a ce pluriel. C'est le festival des cultures soufis. Et on a vu en spectacle des gens qui venaient de Turquie qui tournaient, des femmes, il y a toutes sortes de confréries qui sont venues présenter genre, leur façon de prier. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu gênant de regarder ça de l'extérieur, mais en tout cas, le soufisme est une réalité vivante pour beaucoup de gens dans le monde musulman, et d'aucuns pensent, ils ont à mon sens raison, que finalement, si le soufisme était plus largement répandu et pratiqué, on aurait peut-être moins de problèmes avec l'islamisme. On peut commencer, Lélie Anvar, pour se familiariser avec le soufisme en lisant votre anthologie de l'islam spirituel avec Makram Abbes qui s'appelle « Trésor dévoilé aux éditions du Seuil » et puis on va lire bientôt. Alors, les contes des sages persans que vous publiez au Seuil dans quelques semaines, aussi il y a un lien avec le soufisme ? Absolument, oui, ça sort le 14 novembre. Il y a la plupart des contes sont tirés en fait des grandes œuvres de Attar, de Rumi ou d'autres maîtres. Simplement, ce sont des contes que je me suis réappropriés, que j'ai réécrits à ma façon. Eh bien, on vous lira. Merci beaucoup, Lélie Anvar. Merci à vous. Avec les derviches version Arthur H. Tourne Arthur H sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous revenez sur l'actualité qui touche la philosophe Sylvia Nagasinski. Jeudi 24 octobre, il y a une semaine, devait se tenir à l'université Bordeaux-Montaigne une conférence de Sylvia Nagasinski sur le thème « L'être humain à l'ère de sa reproductibilité technique » qui, on peut l'imaginer, devait reprendre les réflexions de son dernier opus « L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué » dans lequel elle expose en partie son opposition à la PMA et à la GPA. Face au communiqué d'associations étudiantes anti-patriarcat LGBT+, trans et non-binaires, communiqué d'ailleurs publié sur Twitter début octobre, qui finissait sur cette phrase « Nous mettrons tout en œuvre afin que cette conférence n'ait pas lieu », les organisateurs ont préféré annuler la conférence pour des raisons de sécurité, d'où ce tollé.